Chapitre 14e. Qui trop combat le dragon devient dragon lui-même. Friedrich Nietzsche. Dans quelle profondeur de mon esprit, dans quelle pensée trop fertile était née cette idée? La guerre contre l'ombre vient de commencer. Quelle guerre? Quelle ombre? Les Ophnites avaient-ils découvert autre chose que cette pensée? Avaient-ils lu quelque autre secret dans les méandres de mon cerveau chaotique? Cela faisait plusieurs minutes que j'étais à la proue de la barque. Mue avec une légèreté sans nul doute liée au peuple de l'eau, elle semblait à peine posée sur les flots. Cette sensation accompagnait étrangement mes nouvelles pensées. Notre embarcation naviguait à présent à seulement quelques pieds des immenses falaises qui flanquaient le cours de la rivière. La végétation avait soudainement disparu. Nous n'étions plus dans un territoire elfe, mais bien dans un autre milieu, celui du monde sous-marin. Rien n'existait plus que ce monde aquatique que nous ne voyions pas, et qui pourtant nous abritait entre ces deux immenses murailles rocheuses. Les seules plantes qui s'accrochaient encore au flanc des falaises étaient des lichens dorés et des plantes aquatiques qui, l'on ne sait comment, faisaient en s'agrippant de larges cicatrices de verdure sur la roche de vieux grès rouge. Assise à même le pont, le dos contre le grand mât, à l'abri des rafales de vent, parfois violentes, qui s'engouffraient dans le corridor de pierre, je me laissais bercer par ce calme étrange. J'avais dans les mains la boîte de deniers. Elle semblait ne rien peser, pourtant les deux pièces d'or étaient là, discrètement rayonnantes. Je les pris, chacune dans une main. J'en destinais une au prince Irimald. Lui qui m'offrait de si somptueux présents, comprendra-t-il la valeur que j'accordais à ce modeste denier d'or? J'en étais là de mes pensées lorsque le roi Imrold vint s'asseoir près de moi. Il me tendit un sachet de fines algues tressées vert turquoise. Voici un présent de l'assemblée des sages Ophnites. C'est un don d'une valeur inestimable aux yeux du peuple atlante. J'ouvris précautionneusement la poche ouvragée, et avant même de regarder à l'intérieur, je perçus un subtil sentiment de quiétude. Une légère et fine tentacule s'agrippait avec délicatesse à mon poignet. Elle-même a souhaité être près de vous, en tant que représentante de son peuple. Il dut voir mon émerveillement car il sourit légèrement. J'échangeais déjà quelques pensées avec mon amie l'anémone, la remerciant de me suivre dans cette quête. Ses doux tentacules roses, surmontant un pied vert très pâle et quasi translucide, ondulèrent gracieusement en s'enroulant légèrement entre mes doigts. Elle semblait lire si aisément dans mes pensées. Pour ma part, je mis bien du temps à pouvoir déchiffrer les siennes. Nos échanges furent émotionnels avant de devenir, avec le temps, plus tangibles et conceptuels. Elle me demanda vite de la remettre dans son sachet protecteur, car elle ne peut vivre trop longtemps loin du contact de l'eau. Nous avons appris, elle et moi, depuis lors, à nous accommoder de cela. La bourse d'algues est un réservoir d'eau qui peut rester de longues heures sa seule protection. Le roi m'expliqua en quelques mots que pendant que j'étais avec les représentants du peuple Ophnite, lui-même était en aparté avec le conseil des sages. L'attaque que nous avions subie était un acte bellique grave que tous les peuples d'Arnancor devaient prendre en considération. Le combat de la matinée avait permis de dévoiler, au moins en partie, le dessein de l'adversaire. M'empêcher de connaître le mystère des dragons. L'ennemi était puissant et venait de bien au-delà de cette dimension, m'expliqua le roi. Après une pause, pendant laquelle, une fois encore, il sembla chercher ses mots, il susurra. Les sages du peuple Ophnite m'ont dit que vous aviez une grande conscience de ce qui se passe. Oui. Je répondis simplement, mais avec cette voix particulière qui semble entraîner avec elle une vibration inexplicable, pleine. « Intégrale, disent mes amis elfes, puis à voix basse, j'avouais, une terrible conscience, depuis toujours. C'est cette conscience que je fuyais, lorsque je suis arrivé en Elphinie. Pourtant, vous êtes resté ? Oui. Malgré l'ombre, pour le bien des elfes et de quelques humains, et puis tous mes amis sont ici. Vous seriez plus en sécurité en Numania. Ma définitive destinée est ici. Pour le reste, je ne puis être sûr de rien. » L'importance n'est pas de comprendre, mais d'être serein et efficace dans le chemin choisi. Nous restâmes un long moment silencieux, l'un à côté de l'autre, L'Elgara est l'un des plus puissants rois atlantes. Le temps semblait suspendu. Entre les hautes falaises, aucun son ne venait troubler ce moment. Ce silence-là était plus qu'insonorité, c'était le repos de deux êtres. Alors que je remettais les pièces dans leur écrin, le roi Imrold suivait mon regard. Sans hésiter, je lui montrai un denier et lui en expliquai les symboles. Je le tenais dans un rayon de soleil qui semblait le capturer et le rendre vivant comme de l'or pur. « Cela sera-t-il un présent digne du prince Irimald ?» Et précipitamment, je rajoutai « C'est une question que je me pose à moi-même, noble roi. » Le grand roi fut surpris de ma question. Ses yeux semblèrent un instant se voiler, comme s'il était distrait par l'effronterie d'un enfant. Il hocha pourtant la tête d'un air si courtois et avenant que je trouvai ma question dérisoire. Je retirai furtivement ma main de l'éclat d'or que faisait le soleil en rencontrant le métal, et faisant un geste pour remettre la pièce dans l'écrin précieux, je commençai. Sans doute le prince est-il habitué à de plus prestigieux présents, mais... Le grand roi, dans le haut langage précieux qui sied à une audience royale, arrêta mon geste et affirma comme s'il s'agissait d'un décret royal. Tout seigneur de notre monde serait honoré de recevoir un tel présent de l'humaine fée, dont les quêtes et l'être sont la fierté d'Elphinie. Le prince Irimald, lui, plus que quiconque, reconnaîtra la valeur de ce don. Il sembla vouloir ajouter quelque chose, mais se ravisa et se mit à me parler d'un tout autre sujet. Le grand Imrold et moi venions d'échanger plus que nous ne l'avions jamais fait. Je réalisais soudain combien, pendant ce court moment, il avait semblé si lointain du monarque distant et inabordable que j'avais côtoyé jusqu'à présent. Nous passâmes la nuit sur la barque qui s'immobilisa au milieu de la rivière. Cette soirée fut la première qui s'écoula dans un calme recueilli et quasi silencieux. Malgré la vigilance rassurante de notre escorte, Jacques et Dinmour restaient aux aguets. Ilfgur mâchonnait sa pipe en silence, les yeux dans le vague. Ulgar avait tenu à s'assurer que la blessure à mon épaule allait bien, et devant moi se montra rassuré, mais il alla ensuite parler longuement au roi Imrold avec un air soucieux et visiblement alarmé. On me proposa de dormir dans la cabine. Je préférais rester sur le pont, enroulé dans le chaud et diaphane manteau de soie, dont du prince Irimald. Là, je m'endormis en admirant les étoiles qui semblaient tellement semblables à celles que je contemplais si souvent en Humania. Je dormais encore lorsque, bien avant l'aurore, la barque reprit sa route. Ce fut le cri d'un oiseau de mer qui me réveilla. Un cri rassurant qui signifiait la fin de notre voyage fluvial et l'arrivée vers notre prochaine étape, la halte royale du Nord. Seule halte royale qui ne porte aucun nom, car elle n'est pas en territoire elfe mais Ofnid. Nous accostâmes enfin au port de Endarvar, qui, comme son nom l'indiquera, mes amis elfes, est le dernier port, mais aussi l'unique port officiel de Xantir. Même notre ami Ilfgur reste à quoi devant l'architecture de ce havre. Quant à moi, à chacune de mes visites, je reste subjugué par l'aspect de ces quais, bordés de hautes colonnades aux sculptures étranges. Taillés à même les roches magmatiques, sombres et dures, les docks offrent un étonnant contraste avec l'élégante architecture vermeille des portiques qui abritent les entrepôts et les magasins. Tout dans le port, comme dans le minuscule bourg attenant, est façonné dans cette roche rouge qui a valu à Xantir le nom de l'île rouge. Par endroits, on trouve même, dans la roche, de longs éclats de béryl rouge qui enluminent les gravures en créant d'étranges reliefs. Cette halte royale est bien une enclave elfe au sein du territoire Ofnid. Solidement gardée, sans être fortifiée, elle porte en elle la beauté et l'harmonie chères au peuple elfe. Je fus surprise en débarquant, après notre parcours relativement solitaire, de voir tant de monde dans un lieu si retiré. Une foule affairée et bigarrée parcourait les docks en tous sens, chargeant et déchargeant des marchandises, plus insolites et inattendues les unes que les autres. J'avoue que certains personnages avaient plus une allure de coureurs des mers que de marchands. Je ne me serais certain aventuré à leur chercher querelle. « Une halte d'aventuriers, » susurra Ilfgur, toujours moqueur. « Une halte dans laquelle chaque être protégera la vie de chacun de nous, au péril de la sienne, N'en doute pas un seul instant, noble prince, intervint le roi avec sa placidité coutumière, en scrutant les portiques d'un œil attentif. Au milieu de cette affluence disparate et haute en couleurs, notre arrivée ne passa certes pas inaperçue. Les marins, tout comme les aventuriers et les rôdeurs, sont toujours curieux de tout, et plus particulièrement de ces petits riens insignifiants qui confondent les plus habiles larrons. Nous ne cherchâmes d'ailleurs pas à nous cacher de cette foule. Le roi enfila simplement une ample houppelande et me fit mettre un large manteau qui dissimulait ma démarche humaine. Notre escorte drachnite surtout attirait l'attention. Les drachnites, d'ailleurs, de par leurs fonctions et le mystère les entourant, sont toujours plus ou moins au centre de l'attention où qu'ils aillent. Le roi ne voulait prendre aucun risque concernant notre sécurité et au dernier moment avait requis leur présence jusqu'à notre lieu de rendez-vous. Le but de notre voyage devenait, depuis l'épisode de la veille, une nécessité cruciale. Au loin, fondant la foule, deux elfes gris, que je connaissais pour être de la garde personnelle du roi Imrold, venaient lentement vers nous. Sans qu'un seul mot fût échangé, ils saluèrent brièvement Dinmour et Svarin. Leurs regards passèrent brièvement sur le grand roi et moi-même, mais à ma grande surprise, firent volte-face en faire mine de nous voir. Ils bifurquèrent dans une ruelle suivie de nos compagnons. Seul Yagd resta près de nous. Arrivé sous les portiques, le roi, mettant une main sur mon épaule, m'indiqua une taverne, dont la porte basse, à 15 pas de nous, était légèrement entr'ouverte. Je me rappelle clairement que je me fis la réflexion, à cet instant, qu'une taverne à cette heure de la journée n'était pas le lieu idéal pour être tranquille. Tout alla très vite. Le grand roi avertit le danger le premier. D'un geste néanmoins très calme, il enleva son large manteau, puis se retourna tout aussi posément. Alors que sa main empoignait son épée, sortant de nulle part, une créature difforme fonça sur nous. Le roi me projeta, sans même faire un seul geste, vers Yagd, qui, épée au poing, me traîna en direction de la taverne. La créature, évitant le roi, était déjà sur moi et commençait d'aspirer toute mon énergie. Je pris inexplicablement conscience de ce qui m'arrivait. Je sus, avec une lucidité démesurée, que dans quelques instants, rien n'existerait plus. Alors, j'appelai Tuili. À l'instant, il fut en moi, entièrement en moi. Je voyais à travers ses yeux. Je sentais son feu au plus profond de mon être. Il me brûlait en dévorant littéralement l'énergie de l'innommable émanation. Je voulais bouger, mais je ne savais plus bouger, marcher, parler. Je m'abandonnais à celui que j'espérais être Tuili. Cela me sauve la vie, et sans doute celle de mes compagnons. Je me dressai soudain, avec Tuili en moi, et cette force surhumaine qui parfois m'habite lorsque je suis en Elphinie. Me dégageant avec fureur de l'emprise de Yagd, comme de celle de la créature, je joignis inexplicablement les deux mains devant mes yeux exécutant des signes mystérieux. Avec un instinct immémorial, sans doute venu du temps où les dragons et les humains habitaient la même dimension, je décidai de vaincre la créature, et je le fis. Tuili, le dragon, était en moi, j'étais en lui. Nous étions Tuili.